connais sous un ciel bleu, un petit pays fort aimable, où chacun fait ce qu'il veut et personne n'est responsable. Il y a des chefs, des conseillers, des sous-chefs, des employés, des maires, des juges, des préfets, même un président, oui mais l'employé s'en fout, le sous-chef s'en fout. Monsieur le maire, savez-vous ce qu'il fabrique? Monsieur le maire s'en fout, son adjoint s'en fout, le préfet, savez-vous ce qu'il fait? Le préfet s'en fout, le ministère s'en fout, tout au bout de la voie hiérarchique, souriant et nous, le président s'en fout, tout le monde ici s'en fout de tout. Voulez-vous prendre le train? Divorcer avec madame. Faire coffrer un assassin. Envoyer un télégramme. Si ça va bien, c'est heureux. Si ça va mal, c'est fâcheux. C'est pas la peine d'insister, car vous l'avez constaté. Le chef de gare s'en fout. La postière s'en fout. Le gendarme, le juge, le commissaire. Messieurs les jurés, sais-je l'aurais juré, l'enturlu, à qui s'en foutra le plus? Et quand écœuré, vous allez pleurer sous les vieux murs gris du presbytère. Le curé s'en fout, sacristain s'en fout, tout le monde ici s'en fout de tout. Les braves gens qui voient tout ça sont fatigués d'être dupes. Chacun d'eux se croisant les bras attend que l'autre s'en occupe. Le charcutier, le pharmacien, son chargeur est bel et bien. Et le coiffeur également. Oui, mais voilà le chien. Charcutier s'en fout. Pharmacien s'en fout. Le coiffeur prend la vie du notaire. Le notaire s'en fout. Le coiffeur s'en fout. Dégoûté, l'homme de bonne volonté se dit cette fois, il n'y a plus que moi qui m'en fais, et j'ai tort de m'en faire. Si chacun s'en fout, moi aussi je m'en fous. Et tout le monde comme ça s'en fout de tout. Charcutier s'en fout, le pharmacien s'en fout, le coiffeur prend la vie du notaire. Le notaire s'en fout, le coiffeur s'en fout. Dégoûté, l'homme de bonne volonté se disait de moi, il n'y a plus que moi qui m'en fais, et j'ai tort de m'en faire. Si chacun s'en fout, moi aussi je m'en fous, et tout le monde comme ça s'en fout de tout.